c'est de cesse et l'équipe Amsterdam Olympique, c'est par ici le liquide, non, n'en fais pas le raciste. Moi je te conseille de défiler si tu veux pas te faire gifler dans le quartier, c'est agité, alors on tisse pour oublier. Alors tu peux arrêter, t'es fouté si t'es mytho. Oh, ça, tu pèses dans ton gamin, se retrouve un bédo. Gros, on a trop les crocs, c'est Rabja et les crocs. Donc fais gaffe à tes côtes, on est toujours à tes cours. On s'organise dans les halls, des Marocains, des Gitans, des Algériens, des mutants, des Turcs et des militants. Sans oublier mes placos, la vie ne fait pas de cadeaux. Vaut mieux éviter les mêmes bros si tu veux pas tomber de haut. Commence à faire tout petit, c'est le rythme qui sort ses griffes, qui te prend pour Wolverine. L'équipe est trop terrible, alors évite les risques. Tu vas finir chez le psy en t'arrachant tous les tirs. Tu connais le collectif. Comme un compète qui passe en bas des tours, on démarre au car à l'écart de tout. Un deck, on est partout, welcome to Morocco. C'est Stalingrad dans mon checkar. Les refs se noient dans la liqueur, se réchauffe le cœur dans les cars grâce au passe bricard. Avec tes têtes, on casse des briques, chaque jour c'est le casse-pipe. Des terres à faire, un casse de brinks ou péter un classique. J'vois pas plus au classe-pipe. Comme vous, j'veux gratter ma pipa. Miss, j'veux pas t'étonner, mais t'es pas ma habiba. Si l'attrape serait une charrette, ce serait un féfé sans frein. On fait de la fraîcheur en parette, de 16 des litres, on de refrain. Sur la route qu'on emprunte, souvent on enfreint les lois. Pour faire de nos frères des princes et qu'eux en feront des rois. Gris le feu rouge, on laissera rien nous ralentir. J'en ai vu du talent, pas plus loin que dans les alentours. Alors tire-nous dans les jambes, peut-être ça fera nous une légende. Ce qui attire les gens, c'est quand le gentil pète le méchant. Si un micro traîne, invite Jean pour réveiller ta ville. J'déterre la hache de guerre pour ensuite enterrer ta vie. Ok, tu fais du rap, mais y'a que ton Facebook à profil. Faire du son, c'est du taf, mais dans tous les cas, j'profite. J'suis celui que t'attendais pas, un peu comme Zlatan en Ligue 1. Rifa, c'est moi des faces d'assez, passe français qui pose Henri Quin. Confond pas l'âne et les talons, devant le micro, mate le talent. Y'a tout ce qu'il faut dans le pantalon, mais tu de père c'est sans talon. MC retiens ta langue, tu fais le mec qui pèse, t'es qu'une poucave. T'es du genre à négocier ta peine en échange de quelques blases. C'est pour mes babes, tous mes gitans, bico, renois que tu. Chaque jour on baisse la France, pour ça qu'on sève avec la queue dure. On t'apporte que du lourd, donc vas-y paye en cash. Comme d'hab au bec, un pilon de hache. Les clins d'œil pour les frères en cash. Demande à Braco, on a la rime qui tombe à pic. Laisse-moi seul avec la prod, ça sera plus gore qu'un combat de pic. Florfeneux, j'y vais, t'as les yeux rivés sur moi, tu sais que j'givrai pas d'équipe de givré. Rap ou pas, j'vivrai marine, j'peux pas pifrer. N'écoute la pas, petit frère, elle t'aura à petit feu. V'là la rime que t'attendais pas. A trop des bites et des mesures, on en revient sur ses pas. Déboussolé, t'es pas sérieux, t'inquiète, on revient à l'attaque. Les années passent, ta détermination est intacte. Un tacle dans les genoux de l'état, je mets des gens endettés. Ma rage intérieure n'a pas pris l'eau, elle est bien abritée. Mon putain de parcours est semé d'obstacles à éviter. On prend des risques, mais on note pas dans le curriculum vitae. Vitae, toi j'en veux des thunes, ma propre. Prendre la vitesse, gros t'inquiète pas, tu vas pas m'apprendre, je connais par cœur la vitesse. Écoute bien, moi j'ai la rime qu'il te faut, la rue c'est mon harem. Bienvenue dans la cage au faux.